Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le 30 mars 1939, dans un numéro de la revue dessinée Detective Comics, DC, le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger donnent le jour à un nouveau personnage. Son nom, The Batman, en deux mots, littéralement l'homme chauve-souris. Il entre ainsi dans la Justice League créée par les DC Comics, aux côtés de son double solaire Superman. Mais contrairement à celui-ci, il n'a aucun super-pouvoir, ce qui ne l'empêche pas de traverser l'histoire à travers de nombreuses séries et adaptations télévisuelles et cinématographiques, avant de faire l'objet d'un triptyque réalisé par Christopher Nolan entre 2005 et 2012. Alors Batman est-il un super-héros ou un homme ordinaire? Lui que l'on présente comme le justicier par excellence, n'a-t-il pas en fait tout intérêt à maintenir un ordre établi dont il tire tous les bénéfices? Pourquoi s'identifie-t-on aussi facilement à des personnes qui nous ressemblent si peu? En deux mots, si notre besoin de héros est impossible à rassasier, qu'est-ce qu'un bon héros? La réponse aujourd'hui, en compagnie du philosophe Richard Memto. C'est un film de super-héros qui exploite la culpabilité, la peur, ces pulsions très fortes qu'a le personnage. Il ne faut pas oublier que Bruce Wayne ou Batman n'a aucun super pouvoir, mis à part sa richesse incroyable. Il est très riche, donc il peut construire beaucoup de choses, mais c'est avant tout quelqu'un qui fait beaucoup de pompes. Et c'est pour ça qu'on peut facilement s'identifier à lui. Il est très humain, et c'est ce qui m'a attiré chez lui. Les histoires qui sont massivement opératiques. Les Batman sont des histoires grandioses qui abordent des thématiques universelles, mais elles sont animées par des êtres humains auxquels on s'identifie facilement, et notamment le personnage de Bruce Wayne, qui est fascinant et qui joue un rôle crucial dans cette fiction. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Here, Batman and Robin, we have a bit of a problem. There's trouble ruining Gotham City. You must act fast. Holy mackerel, Batman. I think these clowns need a backhand. Let's be the Gap Band. Drop the bomb on them and make them scat, man. When you say scat, man, like the brother Corrupt. When it's on, it's cold, so bring the coroner cover. We can take it to the basement. Live with Tigger, go get the Riddler. And watch me play that nigga like a fiddler on a hot tin move. Bonjour Richard Memto. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe, auteur de Pop Culture, réflexion sur l'industrie du rêve et l'invention des identités, un livre publié aux éditions de La Découverte en 2014, qui est un livre extrêmement stimulant, je le dis d'emblée, parce que vous prenez au sérieux ces objets de la culture sans en faire des tonnes sur pourquoi la philosophie devrait s'intéresser à la pop culture. Et vous avez des lignes passionnantes, notamment sur Batman, qui va nous occuper ce matin. Vous enseignez la philosophie, je crois aussi. Est-ce que vous parlez de Batman dans vos cours de philo? Y a un extrait du Batman Begins qui est assez classique maintenant, où il distingue la justice de la vengeance, et qui sert un petit peu à introduire un cours sur la justice. Mais prendre deux heures fois trois, c'est quand même assez long sur un cours de philo, donc on n'a pas toujours le temps de s'apesantir sur Batman lui-même. On a le temps pendant 50 minutes ce matin de s'apesantir, comme vous dites, sur Batman. Alors on a entendu la voix de Christopher Nolan qui présentait son héros en le présentant comme quelqu'un de très humain. Est-ce que c'est la spécificité de Batman en tant que super-héros d'être plus humain que les autres? Alors Batman, on a souvent dit qu'il n'était pas super, en réalité, parce qu'il n'avait pas de super-pouvoir, et qu'effectivement, du coup, son humanité et la façon dont il la cisèle, dont il la maîtrise, devient son seul et unique pouvoir. Et c'est vrai que souvent, en fait, on le renvoie à un humain qui aurait une volonté très très forte, quasiment, pas au sens de Nietzsche, mais une sorte de surhomme, voilà, qui pourrait justement se transcender. Et dans la définition du héros, moi j'utilise souvent justement Campbell pour dire un petit peu de quoi il retourne. Qui est Campbell? Alors c'est un mythologue hein, qui s'est intéressé, mythologue et religion, enfin qui s'intéresse aussi aux religions comparées, et il s'est intéressé à cette figure du héros qui selon lui reviendrait dans tous les mythes et qui serait en fait le fil conducteur de absolument tous les mythes partout sur Terre. Et cette figure du héros est caractérisée notamment par cette capacité à se transcender et à oublier son ego. Donc c'est un travail en fait très psychologique. L'avantage de Batman, c'est que puisqu'il n'a que son esprit, c'est son esprit qui devient son arme. Et parfois d'ailleurs il est plutôt rapproché en fait quasiment du scientifique ou du détective, c'est-à-dire de celui qui sait plus que les autres, pas forcément celui qui fait plus que les autres. Vous parliez de Joseph Campbell, hein, c'est un mythologue, écrivain américain, connu pour ses ouvrages qui portent sur la mythologie comparée, la religion comparée. On lui doit notamment plusieurs ouvrages, La puissance du mythe, Le héros aux mille et un visages, dans lequel il montre qu'il y a comme un schéma narratif qui s'applique à toute forme de récit universel, de l'Odyssée de Homère au Seigneur des Anneaux, ouais. Et qu'au fond, il y a comme des étapes à suivre qui font ce qu'on appelle aujourd'hui un bon récit, qui seraient tous d'emblée mythologiques et qui s'appliquent à ce qu'on appelle nous aujourd'hui les super-héros. Voilà, alors, il y a quand même un parti pris de la part de Campbell, c'est de dire qu'au fond, les variations comptent moins que ce qui pourrait être commun à tous les mythes. Et notamment, ce qu'il y a de commun, c'est que, disons, on quitte un monde ordinaire, donc celui, effectivement, du jeune Bruce Wayne, qui vit, disons, comme un jeune enfant riche, avec ses parents, qui l'aime beaucoup. Cette obligation de quitter ce monde est souvent ce qu'il appelle l'appel du héros. Et ça le fait passer dans un monde extraordinaire. Et donc, alors, Batman passe dans un monde extraordinaire parce qu'en fait, il découvre le crime et le monde aussi des masques que portent les criminels. Et le point de résolution, en fait, de cette espèce de voyage, ce long voyage de héros, c'est qu'on descend souvent dans une cave. Et là, évidemment, la métaphore est toute trouvée, c'est la Batcave, et qui est en fait une façon de descendre en soi, et de descendre dans ses peurs les plus obscures, etc. Ce qui est exactement ce que fait Nolan au début de Batman Begins, puisqu'il rappelle l'origine, ce que font quasiment toutes les bandes dessinées, c'est-à-dire tous les comics, généralement, rappellent l'origine de Batman. Mais là, il choisit vraiment le point où, en descendant dans la cave, il a peur, et il se trouve lui-même. Alors, la dernière étape, c'est la plus importante d'après moi, mais c'est aussi la plus complexe, c'est celle où le héros revient avec un trésor, ou avec une élixir, dit Campbell, pour le partager. C'est-à-dire que normalement, il recompose autour de lui un monde et une communauté de héros qui changent d'habitude, en tout cas, ce sera peut-être une question qu'on va se poser, qui changent le monde autour de lui. Et la vraie question, c'est est-ce que Batman, en revenant de sa Batcave, change vraiment Gotham, ou est-ce qu'il se contente simplement de répéter systématiquement le trauma dont il a été victime en voyant ses parents se faire tuer devant ses yeux? Est-ce qu'on sait si Nolan avait lu Campbell? Alors Campbell, maintenant c'est une espèce de classique, hein, c'est-à-dire que en réalité le grand promoteur de Campbell, ça a été d'abord George Lucas. Nolan, est-ce qu'il a lu? Je sais pas, il faudrait voir sa bibliothèque, mais il est dans l'air, c'est-à-dire il a même plus besoin de le lire. On trouve n'importe quelle petite vidéo YouTube qui explique ce qu'est ce voyage du héros. On le trouve dans à peu près tous les films, et surtout, j'allais dire la métaphore même de la cave là où Batman est comme prisonnier et en même temps dans une exploration sans cesse renouvelée, elle est inscrite dans l'univers de Batman. Nous pouvons continuer à les ignorer, mais il peut arriver qu'une parole inattendue, une odeur de campagne, la saveur d'une tasse de thé ou l'éclair d'un regard déclenche un ressort magique et provoque dans notre cerveau l'apparition des dangereux messagers. Ils sont dangereux parce qu'ils menacent l'édifice de sécurité à l'intérieur duquel nous sommes retranchés, nous et notre famille. Mais ils exercent aussi un charme ensorcelant, car ils sont porteurs des clés qui ouvrent tout le royaume de l'aventure, désiré et redouté de tout ensemble, de la découverte de soi. Destruction du monde que nous avons construit et dans lequel nous vivons, et de nous dans ce monde, mais ensuite reconstruction merveilleuse d'une vie plus audacieuse, plus vaste et pleinement humaine. Tels sont l'attrait, l'espoir et l'effroi que suscitent ces inquiétants visiteurs nocturnes venus du royaume mythologique que nous portons en nous. You mind if I cut in? Thank you. Oh, you don't seem happy to see me. You were supposed to be a shut-in. I felt like some fresh air. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? J'ai un ami puissant qui me règle ce genre d'affaires. C'est un peu osé comme déguisement pour une chaparduse. Ah oui? Et vous, à qui vous jouez? À Bruce Wayne, le milliardaire excentrique. Oh. Qui est votre cavalier? Sa femme est à Ibiza. en laissant ses diamants à la maison, craignant qu'on les lui vole. Ça se prononce Ibiza. N'allez pas faire comprendre à ces bonnes gens que vous êtes une escroqueuse et non une arriviste. Vous croyez que je me préoccupe de la vie des gens ici présents? Je doute que vous vous préoccupiez de la vie de quiconque présent ou absent. Ne soyez pas dédaigneux, Monsieur Wayne. Vous ne me connaissez absolument pas. Bien, Selina Kyle. Je sais que vous habitez un immeuble sans ascenseur du vieux centre, une adresse modeste pour une voleuse d'élite. Alors, soit vous économisez pour votre retraite, soit vous avez un passif avec des gens louches. Je ne vous permets pas de me juger simplement parce que vous êtes né dans la suite parentale du manoir. En réalité, je suis né dans la suite Régence. Au départ, j'ai fait ce que je devais faire. Mais une fois que vous avez fait ce que vous deviez, on vous laisse plus faire ce que vous voulez. Repartez à zéro. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus repartir à zéro. Un gamin de 12 ans muni d'un portable trouve votre pédigré. Tout ce que vous faites est collecté et quantifié. Tout vous colle au train. C'est comme ça que vous justifiez le fait de voler. Je prends qu'aux gens qui en ont largement assez. Je ne pèse pas sur les épaules de ceux qui n'en ont pas assez. Robin des Bois. Je crois que j'en fais plus pour les autres que la plupart des gens ici présents, vous inclus. Peut-être que vous êtes un tout petit peu trop présomptueuse. Peut-être que vous, vous exagérez un tout petit peu ce que vous avez dans le pantalon en plus du portefeuille. Wow. Vous croyez que ça peut durer tout ça? La tempête menace, Monsieur Wayne. Vous et vos amis devriez fermer les écoutilles, car quand ça va éclater, vous vous demanderez comment vous avez cru pouvoir garder la plus grosse part du gâteau et ne laisser que les restes à nous les autres. Et voici les présentations faites, en réalité, Richard Bemto. D'un côté, Catwoman, de l'autre, Bruce Wayne. Ils dansent ensemble à l'occasion d'un bal qui est donné. Et dans la discussion qu'on vient d'entendre, on entend justement cette ambivalence entre une personne qu'on pourrait appeler d'ordinaire et le héros qui est déjà en eux, ce qui fait écho au texte de Campbell que j'ai lu juste avant, à l'appel du royaume mythologique que nous portons tous en nous. Ici, la discussion mythologique a un angle, un point de départ assez précis. C'est la question de la justice, au fond. À savoir, il y a deux méthodes de venir en aide aux plus démunis, celle de Bruce Wayne d'un côté et celle de Catwoman de l'autre. Alors c'est ça, Bruce Wayne hésite, enfin Batman hésite lui aussi. D'abord, effectivement, sa première méthode, c'est de combattre violemment le crime. Hein. Mais dans d'autres récits, et notamment dans le Batman de Nolan, il essaye aussi, disons, d'aider économiquement les plus pauvres. Alors, c'est un principe de charité, donc c'est vraiment lui qui est très riche, qui donne aux plus pauvres et qui construit notamment beaucoup d'orphelinats. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'univers aussi mental, c'est-à-dire un truc un petit peu à la Dickens, quoi. Voilà, des enfants perdus qui deviennent des criminels. Et du coup, il y a un petit peu cette tentation parfois de revenir à ce qui serait le nerf de la guerre. Alors Nolan vraiment prend ce parti-là dans le dernier film, hein, c'est-à-dire l'économie. Voilà, dans quoi est-ce que je vais devoir investir pour vraiment peut-être changer une cité, faire en sorte qu'il y ait moins de criminalité. Et au fond, là, on est vraiment dans un principe de justice qui serait celui qu'on connaît, c'est-à-dire de redistribution. Mais parce que aussi c'est un chevalier noir, enfin, il y a une sorte de climat un petit peu moyenâgeux, Batman ne fait pas que aider les plus pauvres en leur donnant de l'argent. Il venge, il a son propre code moral, qui n'est pas celui forcément de la justice, et donc il est dans une posture assez contradictoire. D'un côté, il reconnaît l'importance de faire des lois, et c'est notamment le deuxième épisode de Nolan, Dark Knight Returns, et là, il faut au contraire aider le justicier blanc de Gotham, c'est-à-dire Harvey Dent, qui est finalement celui qui va essayer d'écrire des lois un petit peu plus dures pour enfermer plus de criminels. Et de l'autre, Batman reconnaît que le système est quasiment corrompu et de façon récurrente, et donc là, il va devoir suivre son propre code, au-delà des lois, avec donc évidemment le risque d'être pris pour un hors-la-loi. C'est ça, toute la question est de savoir si l'on doit employer des moyens illégaux pour obtenir une loi juste et la faire respecter. Voilà, et c'est la question d'ailleurs que pose David Graeber, hein, qui se dit au fond... Qui est David Graeber? Alors David Graeber, c'est un anthropologue qui a écrit en partie sur Batman, parce qu'il était à l'origine du mouvement Occupy Wall Street. Et Batman, au moment où il sort en 2012, fait écho à ce mouvement. Et il se sent interpellé par le film... puisque le dernier Dark Knight Rises met en scène une sorte de révolte populaire qui aurait pu être celle qu'aurait voulu peut-être David Graeber. Bon, David Graeber se démarque totalement de l'image qui est donnée dans le film de cette révolte populaire, qui est en fait une sorte de, comment dire, flot d'anarchistes qui inonde Gotham et qui détruit tout. Et simplement, il se demande, mais finalement, qu'est-ce que peut faire le super-héros, quoi? Dans ce moment de révolution, est-ce que Batman finalement retombe pas dans cette espèce de pensée un petit peu archaïque qui consiste simplement à lutter contre toute forme de changement et défendre systématiquement le statu quo? Et au fond, Batman... Oui, parce que Batman veut un retour à l'ordre, au voilà. fond. Est-ce que la justice est forcément du côté de l'ordre, et est-ce que parfois la justice n'est pas l'alibi pour mieux maintenir des inégalités ? Exactement. Et globalement, on pourrait dire, si on fait un petit peu une sorte de revue de presse du dernier Batman, il a été lu comme un récit conservateur. C'est-à-dire qu'effectivement, David Graeber dit, voilà, Batman, c'est au fond un héros réactionnaire, au sens propre, c'est-à-dire qu'il réagit à un désordre qui est systématiquement causé par des criminels ou alors des fous, et il doit simplement faire regagner sa tranquillité aux rues de Gotham. Et donc, il ne fait que réagir sans vraiment proposer quelque chose qui modifierait totalement le rapport entre les riches et les pauvres, par exemple, puisque vous savez qu'une partie de son existence à Batman, enfin... Bruce Wayne et Batman, c'est qu'effectivement, il est riche. Oui, mais alors, vous distinguez pas les deux. Pour vous, Bruce Wayne et Batman, c'est... Alors, certes, c'est la même personne, mais il y a quand même deux fonctions différentes, non ? Mais, alors, dans le premier Batman, vraiment Batman Begins, Bruce Wayne explique qu'il veut devenir une idée, un symbole. Et donc là, il y a vraiment le jeu mythologique de Campbell. C'est-à-dire, on a une persona, en réalité donc un masque, mais qui va vraiment exprimer ce qu'on veut au plus profond de soi. Mais progressivement, il y a comme une sorte de, comment dire, mise en cause de symbole, un détachement, parce que Batman devient hors-la-loi. Et donc Bruce Wayne fait ses affaires, j'allais dire, indépendamment de Batman, totalement... il va défendre des valeurs que Batman ne défend pas forcément. C'est uniquement. Ça. Mais au fur et à mesure, on sent bien qu'en réalité, le récit, et c'est la, à mon avis la particularité de Nolan, cadre plus sur Bruce Wayne, sur ses hésitations, sur sa fatigue, et sur, j'allais dire, la finitude, en fait, de la personne physique Bruce Wayne, puisqu'on sait qu'il a les genoux complètement explosés, enfin, il doit lutter en ayant une sorte d'exosquelette. Et du coup, ça contredit un peu l'idée de départ, qui était que Batman est une idée. Et une idée, peut-être, que tout le monde peut incarner. Et la difficulté, évidemment, du récit, c'est que, alors, d'autres films cadrent uniquement sur Batman, en tant que tel. Mais là, on voit vraiment un héros se fatiguer, et progressivement finir sa carrière, avec le problème de l'héritage en fait. C'est-à-dire que finalement, bon, même si Batman est une sorte de héros réactionnaire, il doit inspirer plus que ce qu'il fait vraiment. Et la question c'est, si le héros inspire, et inspire notamment ceux qui le voient, c'est-à-dire par le symbole qu'il devient, qu'est-ce qu'il inspire vraiment ? Et ça, bon, le film le laisse en suspens, hein, puisqu'il finit juste au moment où il dit, au fond, je vais juste être ce symbole-là, ce costume va rester. Moi, je vais arrêter. Alors, je sais pas, enfin, on peut expliquer même qu'on ne sait pas s'il meurt en réalité. Mmh. Mais le costume va être transmis à quelqu'un d'autre. Et la question, c'est finalement, que représente ce costume ? J'ai envie de dire, la trilogie de Nolan hésite un peu vraiment sur les valeurs en réalité que porte Batman. Il reste, et c'est peut-être d'ailleurs un reproche que Graeber lui fait, et il n'a pas tort, il reste sur une sorte de position très réactionnaire, très conservatrice, qui consiste à dire le monde est corrompu, moi je vais devoir simplement chasser tous ces criminels violents et anarchistes. Sans m'attaquer aux racines. D'autres Batman, d'autres versions de Batman tentent de le faire. Il y a notamment une version très connue de Paul Dini, qui est un scénariste hein, et qui a effectivement écrit un comics qui s'appelle War on Crime, où là on fait la guerre au crime en ouvrant plus d'orphelinats. Encore une fois, alors Graeber a pas complètement tort, parce que c'est vrai que couvrir des orphelinats, c'est une partie du problème, mais ça peut pas tout résoudre. Donc la psychologie, en revanche, quand on entre dans la psychologie du criminel et qu'on se dit qu'est-ce qu'il faudrait faire psychologiquement pour qu'ils aillent mieux, elle est assez simple chez Batman. Les criminels sont fous, ou les criminels sont juste des pauvres qui systématiquement deviennent mauvais. Oui, d'autant que comme le dit Catwoman dans l'extrait qu'on a entendu, au fond, Bruce Wayne a beau jeu d'ouvrir des orphelinats, dans la mesure où lui-même détient beaucoup plus d'argent que tous les autres, les 99% dont elle se veut être les porte-parole, là il y a une injustice flagrante. On peut ouvrir les orphelinats si en fait lui reste actionnaire de sa propre société et richissime, ça changera rien à la situation. Non, c'est ça, et c'est pour ça que j'allais dire, l'imaginaire de Batman nous coince un peu. Ouais. C'est qu'en réalité, ce qui fait que Batman naît, c'est qu'il y a cette espèce de criminalité qui serait due à un écart de richesse énorme. Mais en même temps, la seule chose que peut faire Batman dans cet monde totalement inégal, c'est de réagir à cette pauvreté endémique qui se transformerait en crime. Il ne propose pas, littéralement, d'autres solutions, c'est-à-dire en fait raser Gotham et en faire une autre. Ce qui fait qu'à la fin, on glisse presque du côté de Bane ou de Ra's al Ghul qui disent bon, on recommence à zéro parce que il n'y a pas réellement d'alternative. À New York hier, des milliers de manifestants anti-Wall Street ont répondu à l'appel. Quand nous avons dû Chris Hetom qui, comme le reste du mouvement Occupy Wall Street, dénonce une cupidité des institutions financières. Un important dispositif policier a été mis en place et des dizaines de personnes ont été arrêtées. Des familles, des syndicalistes, des étudiants s'étaient joints au mouvement Occupy Wall Street. Ils ont achevé sur Times Square une journée de manifestation commencée en fin de matinée dans le quartier de la Finance, dans le sud de Manhattan. Après l'ancien vice-président Al Gore, une autre personnalité américaine a apporté son soutien à ce mouvement, l'acteur et réalisateur Sean Penn. Stock exchange. There's no money you can steal. Really? And why are you people here? Ils ont directement accès à la salle des marchés en ligne. Je joue pas la vie de mes hommes pour votre argent. Monsieur, il faut déplacer votre véhicule. On est en urgence. C'est l'argent de tout le monde, c'est pas que le nôtre. Ah ouais? Le mien est dans mon matelas. Si vous maîtrisez pas ces types, le rembourrage de votre matelas risque bien de plus valoir grand-chose. Coupez la fibre optique et l'antenne relais, là. Merci. Ça les freinera un peu. Un point, Richard Memto, sur la réception critique de ce film quand il paraît en 2012. Pour les républicains américains, ce dernier volet diffuse un message qui serait pro-démocrate, en cause le nom du méchant, Bain, dont le nom ferait un peu trop penser à Mitt Romney, qui a dirigé le fonds d'investissement Bain Capital. Pour le Télégraphe, Bruce Wayne n'est qu'un playboy industriel, secrètement merveilleusement de droite, le champion des plutocrates. C'est l'homme qui a le plus d'argent, la plus grande maison, la meilleure cachette et la voiture la plus rapide, et qui est pourchassé par les plus jolies filles. Enfin, pour The Guardian, le réalisateur Christopher Nolan dépeint le mouvement organisé par Bane comme un Occupy Gotham qui glorifie les 1% au détriment des 99%, un monde peuplé d'anarchistes alimentés par un désir de destruction et non par l'envie de construire un monde plus juste. Avant de conclure, The Dark Knight Rises, donc ce troisième volet de Batman réalisé par Nolan, contient une vision audacieusement capitaliste, radicalement conservatrice et justicière, qui avance de façon sérieuse, frémissante, qu'il faut suivre les choix des riches dès lors qu'ils affirment vouloir faire le bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, assez. Donc Batman est réac, en gros, pour répondre à la question de la mission. Oui, pour vous. Il laisse en suspens les valeurs qu'il défend. Et Nolan le dit bien, parce qu'il comprend très bien son affaire, c'est un blockbuster, donc il le dit dans les interviews, on ne peut pas politiquement dire quelque chose de clair, parce que ce serait s'aliéner une partie du public. Oui, mais il dit aussi qu'il a commencé à réaliser le film avant le mouvement d'Occupy Wall Street. Alors voilà, c'est vrai, donc effectivement, et ce à quoi répond Graeber, mais la forme que ça prend, les images qui sont choisies, les lieux, comme par exemple la bourse que prend en otage Bane, sont des clins d'œil assez clairs. C'est-à-dire sont au fond un habillage qui lui fait référence assez directement à ce qui est en train de monter. Et c'est la phrase de Catwoman, il y a quelque chose qui monte. Mais effectivement, le point de vue de Graeber me semble assez juste, parce que ce que va faire Batman en réalité, c'est qu'il va défendre l'argent de tout le monde, c'est-à-dire l'argent qui passe par la bourse. Ce qui est un petit peu défendu dans le film, hein, quand il dit cette bourse, elle est prise d'assaut, on ne sait pas ce qui s'y passe, et Bane lui-même fait remarquer à raison, mais s'il n'y a pas d'argent ici, qu'est-ce que vous faites? Du coup, évidemment, ils font transiter des flux financiers, etc., mais qui vont enrichir réellement des personnes, les 1%. Et Batman se trouve à défendre indirectement les 1%, parce qu'il veut simplement défendre la sécurité de Gotham, c'est-à-dire aussi la sécurité des plus riches. Et alors le film, en réalité, donc, il a été perçu comme un film conservateur, aussi parce que l'un des créateurs a été appelé le créateur de Bane, Chuck Dixon, qui revendique d'être très conservateur. Enfin, qui l'a dit dans les interviews, il dit Batman, alors c'est en 2012, donc c'était les présidentielles de 2012, il voterait Mitt Romney. Voilà, il n'y aurait pas d'hésitation. Effectivement, il faut préserver cet ordre, et cet ordre inégalitaire. Alors la seule qui est un petit peu moins sur cette piste, effectivement, c'est Catwoman. Catwoman, qui est la Robin des Bois, mais un petit peu, un petit peu chapardeuse en même temps, qui a cette ambiguïté, et qui, elle, représente effectivement les 99%. Donc, Nolan connaît son affaire, il présente deux personnages assez contradictoires, mais qui vont s'associer malgré tout, parce que sa phrase qui résume un petit peu ce que doit faire le film, c'est qu'il dit, en fait, on jette des éléments contre le mur et on voit ce qui colle. Et le mur, c'est nous. C'est nous, le public. Il nous jette des éléments réels de la vie politique et il voit ce qu'on attrape et ce qu'on juge être pertinent. Et il ne veut pas trancher. Au fond, il nous laisse un petit peu en plan. Évidemment, il y a quand même beaucoup d'éléments dans le film qui laissent présager qu'en réalité, il n'y aura pas de révolte populaire de Gotham. Si on regarde le film, le discours politique de gauche, si on voulait, de Graeber, d'Occupy Wall Street, est très vite neutralisé parce que, en fait, ces anarchistes ou, disons, ces justiciers sociaux sont tout de suite renvoyés en fait à un complot, comment dire, ancestral de Ra's al Ghul qui veut éliminer les grandes cités corrompues. Oui, mais ça c'est très important parce que Nolan le dit bien, il dit qu'il ne faut pas appliquer une grille de lecture à Gotham City qui ressemble à celle qu'on appliquerait à New York aujourd'hui. C'est pas du tout la même chose. Les dangers auxquels sont en proie Gotham City sont infiniment supérieurs à ceux de New York City. Oui. Mais en même temps, son film colle. C'est-à-dire, il nous colle à nous. On ne peut pas s'empêcher de revoir Wall Street, même si c'est à Gotham. En fait, bon, Gotham, on sait que c'est une sorte de pseudonyme pour New York. Donc, c'est vrai qu'on est rappelé par le film à cette réalité. Alors, 2012, enfin, c'était juste après la crise financière et on était quand même en plein dedans. Mais la question, est-ce que être du côté de la loi, est-ce que c'est forcément être réac? Au fond, c'est ça. Parce que le deuxième épisode de Batman montre bien l'importance que celui-ci accorde à la loi et on peut en faire toute une lecture qui serait démocrate au sens d'être pour le maintien de la démocratie ou de la République, on dirait aujourd'hui, indépendamment d'un combat politique qui, lui, voudrait maintenir un ordre inégalitaire. Oui, alors juste dans le deuxième, qui a été là aussi, puisque c'est une autre élection, c'était Bush-Obama, si je ne dis pas de bêtises, bref. En tout cas, dans le deuxième, on dit Batman est du côté de Bush parce que justement, il va défendre des méthodes qui sont des méthodes radicales, en l'occurrence l'espionnage, disons, généralisé de toute la ville, avec cette scène où il crée une sorte de panoptique qui permet vraiment d'espionner absolument chaque citoyen. Et il dit, il a tout à fait compris, Batman a besoin de tous les moyens pour lutter contre les terroristes. Mais la question, c'est pourquoi, dans les récits qu'on propose de Batman, ses seuls adversaires seraient des terroristes? Est-ce que vraiment, il y a juste des personnes complètement folles avec qui on ne pourra jamais discuter? Bah, c'est le même principe du comics aussi des super-héros, c'est qu'on exacerbe les gentils comme on exacerbe les méchants. Mais là, l'image qui est donnée de la criminalité, c'est-à-dire une sorte de plèbe, encore une fois, naturellement criminelle parce que miséreuse, elle est problématique. On ne peut pas systématiquement renvoyer la pauvreté à... Mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer de l'imagination des super-héros, puisqu'on les appelle comme ça des super-héros, même des héros, ce qui revient à réfléchir à ce que c'est qu'un héros, il est forcément au-dessus des autres, donc les autres sont forcément en dessous, donc... Oui. Assimilé à cette plèbe grouillante et néfaste. Alors c'est pour ça que Batman a souvent été considéré comme fasciste, notamment... Ah oui, carrément, fasciste. Ouais, parce que c'est le héros qui est chargé de tout résoudre, qui en plus produit une sorte de, comment dire, culte du héros, enfin du symbole qu'il représente. Et c'est juste le cas de Batman. Moi, je vais pas attaquer tous les super-héros, ils ont été attaqués dans les années 40 sous cette forme. C'est-à-dire en disant, au fond, donner des mythes aux enfants pour les faire grandir, dans les années 40, ça a déjà été fait, mais ça a été fait du côté des Allemands et des nazis. Donc, est-ce qu'on veut vraiment présenter des surhommes comme exemple à des enfants pour qu'ils deviennent tous nazis en Amérique? Et donc, il y a eu tout un débat, mais en fait, à la même période, au moment de la naissance de Batman, il y a d'autres super-héros. Il y a notamment Wonder Woman. Et Wonder Woman, elle a des valeurs plus claires que Batman. Parce que le problème de Batman, c'est que finalement, il manque d'imagination. C'est vrai qu'il a peu de valeurs. Bon, les valeurs de la chevalerie, la loyauté, tuer personne avec des armes notamment. Mais c'est beaucoup moins fort que Wonder Woman. Parce que Wonder Woman arrive, elle vient d'un monde où il n'y a que des femmes, Themyscira. Et elle dit, voilà, en fait, je débarque dans un monde d'hommes et je vois qu'effectivement, les hommes veulent dominer les femmes. Ça ne va pas. Je vais donc défendre les femmes, quitte à changer ou réformer entièrement le monde, pour qu'il y ait enfin une égalité entre les sexes, voire même une reconnaissance, puisque c'est un petit peu dans l'esprit de l'auteur à l'époque, une reconnaissance naturelle de la supériorité de la femme. C'est en quelle année, ça, Wonder Woman? Alors, c'est les 41. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un super-héros, alors créé par une personne assez particulière, William Moulton Marston, qui défend très consciemment le féminisme première vague, qui a été un grand lecteur de Margaret Sanger, et qui était en couple, disons, libre, ou dans une sorte de troupe avec deux autres féministes. Enfin, il portait une époque qui l'a fait rentrer comme ça dans les comics. Le problème de Wonder Woman, c'est que parfois, on oublie cet héritage très très fort féministe d'une super-héroïne qui veut réformer littéralement la société. Behind you stands a symbol of oppression. Blackgate Prison, where 1,000 men have languished under the name of this man, Harvey Dent. que l'on vous a présenté comme le modèle absolu de la justice. On n'arrêtera pas de vous changer de planque jusqu'à ce qu'on vous fasse passer à la télé. On vous a procuré une fausse idole pour vous empêcher de mettre en pièce cette municipalité corrompue. Je vais vous la dire, moi, la vérité sur Harvey Dent. Avec les paroles mêmes du commissaire de la ville de Gotham, James Gordon. Le Batman n'a pas assassiné Harvey Dent. Il a sauvé mon garçon. Puis il s'est accusé des crimes abominables de Harvey afin que je puisse, à ma grande honte, échafauder un mensonge autour de cette idole déchue. Et porter au nu le forcené qui avait voulu tuer mon propre enfant. Aujourd'hui, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Il est temps de confier la vérité aux citoyens de Gotham. Et il est temps pour moi de démissionner. Acceptez-vous la démission de ce monsieur? Et acceptez-vous la démission de cette bande de menteurs, de tous ces corrompus? Il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre que celui qui laisse ce que l'on fait pour ce qu'on devrait faire apprend plutôt sa ruine que sa conservation. Car un homme qui voudrait en tout point faire profession d'homme bon, il faut bien qu'il aille à sa ruine parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et d'en user et de n'en user pas selon la nécessité. Laissant donc de côté les choses imaginées à propos d'un prince et examinant celles qui sont vraies, je dis que tous les hommes, quand on parle d'eux et surtout des princes, car ils sont placés plus haut, sont désignés par certaines de ces qualités qui leur procurent blâme ou louange. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du cinéma de Christopher Nolan. Cette semaine, on entre dans sa tête, dans son cerveau, et l'on y découvre Batman, dont on parle ce matin en compagnie du philosophe Richard Memto. Batman est-il réac? La réponse pour l'instant est oui, mais l'émission n'est pas encore terminée. Vous avez entendu un texte de Machiavel, un extrait du Prince, qui exprime que les dirigeants politiques ne doivent pas toujours ou forcément être moralement bons. En d'autres termes, parfois la fin justifie les moyens. Et donc si le but c'est de régner et de maintenir une sorte d'ordre, la question c'est ce que Machiavel réac, finalement le prince n'a pas forcément à être du côté de la morale. C'est ce que Batman fait, il va choisir de mentir aux citoyens de Gotham pour leur bien dans le deuxième épisode de Batman. Et dans l'extrait qu'on a entendu, qui lui était un extrait du troisième volet de Batman, mais dans lequel il fait directement référence au second, à savoir avec ce personnage de Harvey Dent, qui incarne le rapport à la loi au fond, la question se pose de manière flagrante, Richard Memto. Au fond, si on critique la position de Batman, même avec l'aide de Machiavel, en se disant il faut savoir mentir pour bien gouverner, le problème c'est qu'on bascule forcément du côté de Bane. Et Bane, il est absolument terrifiant, vous l'avez entendu, Bane fait l'apologie du terrorisme. Bane, il est sans limite. Donc est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce que c'est forcément l'un ou l'autre? Alors en fait, donc, pour répondre rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, mais là le problème c'est l'alternative. C'est-à-dire, si on dit Batman, le conservateur qui veut défendre la sécurité, ou Bane, le terroriste, je pense que tout le monde va préférer Batman. Il n'y a pas de souci. C'est encore une fois un reproche. Vous avez vous-même dit au cours de l'émission, mais à la fin, on en vient presque du côté de Bane. Et oui, parce que justement, cette alternative est insupportable. En fait, c'est vraiment une fausse alternative. C'est-à-dire juste défendre un statu quo injuste ou préférer tout détruire par la violence intégrale et qui ne remplace rien. Parce que, en fait, dans le film, Bane est en plus, disons, en train de menacer Gotham, enfin, de tout faire exploser. Donc, c'est vraiment la destruction. Ah oui. C'est vraiment le... Mais avec cette petite jouissance, disons, de celui qui va enfin détruire ses jouets, quoi. Puisque Bane s'empare de tout l'arsenal de Batman, enfin, le fait exploser, tout ça. Mais c'est l'alternative même qu'il faut critiquer, c'est-à-dire qui n'est pas bonne. Évidemment, on est dans des schémas assez classiques de philosophie politique, c'est pour ça que, effectivement, Machiavel résonne très très bien avec Batman. Puisque Batman, c'est un des premiers héros, finalement, qui utilise lui-même le complot pour faire le bien. La plupart du temps, les vilains, eux, doivent avancer cachés, parce que sinon, les héros les voient et les arrêtent. Et donc, ce caractère insidieux du mal, c'est une caractéristique des super-vilains. Et là, tout à coup, Batman comprend, depuis le début en réalité, qu'on doit rester caché pour faire d'autant mieux sa tâche de super-héros, c'est-à-dire arrêter les méchants. Mais il pousse assez loin, c'est-à-dire qu'il pousse effectivement jusqu'au mensonge. Alors, au début, il n'est pas forcément très favorable, mais au fur et à mesure, notamment dans le deuxième épisode, contre le Joker, on voit bien qu'il commence à lui-même, j'ai envie de dire, générer un imaginaire de complotisme. C'est-à-dire que, au fond, si aujourd'hui il y avait quelqu'un qui apparaissait comme Batman, on peut être sûr que sur les réseaux sociaux, il y aurait déjà des milliards et des milliards de complots à son sujet, puisqu'aujourd'hui on fait des complots sur des pizzerias. Voilà, on en est là. Donc, on est sûr que Batman ferait probablement plus de mal que de bien. Ah oui. En infusant comme ça cette espèce de complot. Et effectivement, d'ailleurs, il est pas sûr de l'assumer, parce que à la fin du deuxième, il devient ce hors-la-loi, donc il devient un chevalier. Et puis en réalité, au début du premier, il est un petit peu chagriné de voir que son symbole... Au début de Rises, c'est ça. Il est chagriné que son symbole devienne finalement quelque chose de terrifiant. Et il veut au contraire inspirer l'espoir. Oui, parce qu'au fond, ce qui se passe, c'est que Batman, pour sauver Gotham City, se désigne comme étant responsable de la mort de Harvey Dent. Et exactement, donc, effectivement, oui, il devient hors-la-loi, mais il essaye de sauver la cité. Donc, il devient hors-la-loi pour sauver sa ville. Exactement. Donc, il fait le geste de Machiavel. C'est-à-dire que vraiment... Et le commissaire Gordon avec. Puisque le commissaire Gordon est témoin, alors qui va devenir, en fait, qui est presque le vrai héros ordinaire de tous les films. Il est témoin de ce que Batman fait, mais il préfère mentir, donc pour préserver l'image, alors le symbole, du coup, d'espoir que représentait Harvey Dent, c'est-à-dire le bon juge. Le juge qui va jusqu'au bout pour, arrêter les criminels et les corrompus. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce d'ambivalence, c'est-à-dire d'un côté un symbole de terreur et de l'autre côté un symbole d'espoir. Mais dans tous les cas, c'est vrai, ce qui manque, c'est la vérité. Et Batman, on peut dire, c'est un petit peu son problème, mais en même temps, c'est ce qui nous fascine. C'est qu'on sait que c'est un super-héros manipulateur. Voilà. Il est détective. Il a cette ambivalence. C'est pas, encore une fois, c'est un univers Batman. Donc, on y pioche un peu ce qu'on veut. Comme dirait donc Nolan, on est comme un mur sur lequel on jette des trucs et puis on voit ce qui colle. Mais c'est un univers. Et il est à la fois, donc, le détective qui va chercher la vérité. Et dans d'autres Batman, d'ailleurs, celui qui dit la vérité. Donc, moi, je pense à Batman 2, le défi, qui est un de mes préférés, mais avec Tim Burton, qui fait dire, justement, enfin, qui fait enregistrer le pingouin au moment où il fait des aveux. Et puis ensuite, il le diffuse dans toute la ville pour accabler le pingouin. Donc, il fait exactement le contraire de ce que Bane fait dans le ouais, troisième. Mais en même temps, il est aussi celui qui, effectivement, va toujours avancer de façon cachée, prévoir des tonnes de... puisque le troisième, il a une sorte d'énergie qui pourrait être renouvelée, qui pourrait être utile à la ville, mais il le dit à personne. Donc il est systématiquement dans les complots. Et j'ai envie de dire, je pense que le complotisme contemporain résonne quand même très très fort avec la pop culture. Parce qu'on a quantité de super-héros qui sont aussi très complotistes. Et là, il suffit de penser à d'autres grands films et grands comics que sont les Watchmen, par exemple. Watchmen, c'était exactement ça. Le super-héros décide, donc Ozymandias, qui est pas vraiment... Il devient un super-vilain parce qu'il décide tout simplement de provoquer une sorte de gigantesque catastrophe nucléaire pour que les gens se réveillent et finalement préfèrent la paix à la guerre. Ce qui est, encore une fois, presque la pire des actions. Je sais même pas si Machiavel est jusque-là. Alors, il faut peut-être ici distinguer non plus simplement Batman de Bruce Wayne, mais Batman de Nolan. Parce que dans le Batman de Nolan, et surtout le troisième dont on parle précisément aujourd'hui, des éléments nous sont donnés à nous autres spectateurs pour réfléchir à partir de ce qu'il propose. Ce que je veux dire, c'est que Nolan ne cautionne pas forcément les actions de Batman ni de Bane, et qu'il, à plusieurs reprises, il s'amuse, je crois, à mettre en scène la rébellion des habitants de Gotham envers les ordres, y compris dans la police, justement. Ceux qui sont prêts à faire sauter la ville uniquement, le dit l'un des personnages, pour respecter les ordres. Et il y a comme ici un sursaut qui montre au spectateur l'absurdité de respecter des ordres et l'absurdité de toute forme d'esprit critique. Au fond, effectivement, si on reçoit Batman sans esprit critique, ben on est aliéné et manipulé par lui. Il y a aussi un appel, je crois, de la part de Nolan à faire se réveiller un peu le spectateur et dire, mais ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous donne ici. Oui, alors c'est la ligne narrative assez fine quand même de Blake, c'est-à-dire le gentil policier joué par Joseph Gordon-Levitt. Qui va devenir Robin. Qui va devenir Robin. Mais qui est pas, alors, toute l'ambiguïté quand on connaît les comics, c'est que c'est pas le Robin officiel. parce que on le connaît pas. Donc c'est vraiment comme un autre Robin, et on voit pas ses premiers pas non plus en tant que Robin. C'est-à-dire qu'on voilà, il y a un point d'interrogation qui est enfin une ouverture à la fin du film, dont on sait que Nolan en fait n'y reviendra jamais puisqu'il a dit qu'il ne ferait pas de numéro 4. Enfin, donc mais effectivement, il avait dit qu'il faisait pas de 2 ni de 3. Hein. C'est vrai. Mais là, au fond, la vraie question, c'est que va faire Robin. Est-ce qu'il va vraiment s'y prendre comme Batman? Est-ce qu'il changera un petit peu son mode d'action? En tout cas, cette ligne, elle est fine, mais c'est effectivement le moment où le policier lui-même se rebelle contre la police. Mais d'autres, comme le commissaire Gordon, savaient qu'il y avait effectivement une corruption dans la police et sont restés dans la police. Et le commissaire Gordon est tout autant un héros que Robin. Donc on sent que, enfin, encore une fois, c'est comme ce mur vers lequel on jette des choses et on voit ce qui colle. On peut se projeter vers le commissaire Gordon, qui est en gros un petit peu le gardien de la cité, ou vers le jeune aspirant au super-héroïsme qu'est Robin. Mais les deux pistes sont suggérées, et puis il y a aussi la piste de Catwoman. Ouais. Alors la piste de Catwoman qui est encore une fois assez fine, mais qui pourrait être intéressante, qui effectivement, elle est Robin des Bois, et qui va vraiment punir les méchants. Et, enfin, c'est-à-dire les super riches, quoi. Et dans d'autres épisodes, notamment dans le Batman 2, je l'aime beaucoup, donc je le recommande, les super riches sont corrompus, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on les voit. Et là, dans Nolan, ils sont un peu muets. En fait, ils n'ont pas vraiment de voix. Ils présentent pas ce qu'ils font. Enfin, on les voit pas très corrompus non plus. On sait juste qu'ils font des grandes soirées tout le temps et des cocktails. Et au fond, c'est peut-être un petit peu neutre, trop neutre de la part de Nolan. Difficile de parler de Batman aujourd'hui sans évoquer une question qui nous préoccupe tous depuis plusieurs semaines, Richard Memento, le masque. Voici donc le dernier extrait du film qu'on écoutera ce matin, qui nous permettra de poser la question, savoir est-ce que le masque n'est pas le meilleur moyen pour n'importe qui de devenir en puissance un héros. What are you doing? I can get it out over the bay. Set it to fly out over the water, then eject. No autopilot. Vous pouviez aller où vous vouliez, être qui vous vouliez, et il a fallu que vous reveniez. Tout comme vous. On doit être de bonne poire tous les deux. Je ne me souciais pas de qui vous étiez. Vous aviez raison. Mais ne faut-il pas que les gens sachent quel héros les a sauvés? Le héros peut être en chacun, même en celui qui fait une chose aussi simple et rassurante que mettre un manteau sur les épaules d'un garçon et ainsi lui faire comprendre que le monde ne s'est pas écroulé. L'énigme est ainsi résolue à la fin du film. Alors, c'est pas un spoiler, hein, parce que l'énigme était maintenue que pour les personnages du film. Le spectateur sait depuis le début que Batman est Bruce Wayne. Je vais vous poser la question directement, Richard Memento. Pourquoi Batman porte-t-il un masque? Alors, il le dit dans le film. Alors, il y a plusieurs versions, mais là, il le dit vraiment, c'est pour protéger ses proches. Ce qui d'ailleurs marche pas vraiment, mais parce que les vilains sont toujours en train de comploter, ils le font bien. Évidemment, il y a l'autre vraie version, il le dit aussi d'ailleurs, qui est celle qui a vraiment été martelée dans tous les comics, c'est que le costume peut être porté par tout le monde. Voilà. Je crois que c'est Stan Lee qui dessinait des super-héros avec des costumes, mais enfin, en tout cas, il demandait à ses dessinateurs de le faire. Et puis un jour, j'en ai eu un peu marre. Ils se sont dit, mais peut-être qu'on pourrait abandonner les costumes des super-héros. Et là, les lecteurs se sont dit, non, on a besoin des costumes, on a besoin de les identifier, et on a besoin de se dire qu'on peut nous aussi être dans le costume. Donc le costume, le masque, est très important parce qu'il peut être porté par tout le monde. C'est un vecteur d'identification. C'est ça. Parce que le masque, en fait, on peut tous le porter, on ne ressemble à personne quand on a un masque. En fait, c'est vrai qu'il a une fonction d'identification, mais aussi, évidemment, il cache. Et ce qu'il cache, c'est l'identité de Bruce Wayne, pour pas qu'on attaque Bruce Wayne, mais ce qu'il cache de façon plus générale, c'est le motif peut-être extrêmement personnel qu'a Bruce Wayne d'agir. C'est-à-dire, au fond, le motif vraiment humain, très singulier, puisque c'est un trauma, il voit ses parents se faire tuer, il veut se venger. Ce qui au départ, d'ailleurs, dans d'autres films, d'ailleurs, très assumé, c'est une vengeance. Et si je mets un masque, si personne ne sait qui je suis, je vais pouvoir dire que j'agis au nom de tous et d'un idéal. Et ce masque-là, au fond, marche pour certains héros, mais pas pour tous. Donc ce seraient les intentions qui seraient masquées, plus que le visage. Exactement, mais aussi l'égoïsme, potentiellement, et des pulsions qui ne seraient pas toujours très louables. Mais ce qui est amusant, c'est que d'abord, en fait. Le film permet de nous dire « Ayez quand même confiance en celui qui est masqué. » Parce qu'on voit sa psychologie. On le suit, et donc, même si j'ai dit que Batman était un petit peu une sorte de figure fasciste, parce que voilà, c'est le héros qui va sauver tout le monde, et il faut s'en remettre systématiquement à lui, enfin voilà, on peut pas agir par nous-mêmes, on est privé de notre capacité d'agir, parce que de toute façon, c'est Batman qui va tout faire. Le film, parce qu'il nous montre Bruce Wayne, nous dit « Vous inquiétez pas derrière le masque, de toute façon, il y a quelqu'un qui, en réalité, a des bonnes intentions. » Ce qui est un discours un petit peu ambigu, parce que d'un côté, on pourrait dire « Bon, on veut vraiment pas savoir qui est Batman. Batman nous suffit. » Et en même temps, le film et les comics nous laissent dire, vous inquiétez pas, même si vous avez pas besoin de le savoir. Heureusement, il est gentil. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a pas que des super-héros masqués, quand même. Il y a des super-héros dont la nature même fait qu'ils ne peuvent pas être invisibilisés. Ils peuvent pas se cacher. À qui pensez-vous? Et donc là, moi, je pense, c'est mes préférés, donc évidemment, je pense aux mutants, aux X-Men. Qui sont des monstres, en fait, qui sont présentés comme des monstres. Donc, c'est clair, voilà. Ils peuvent vaguement le cacher, mais à un moment ou à un autre, ce sont des monstres et ils seront identifiés comme tels. Ou même, j'ai parlé de Wonder Woman. Wonder Woman, elle est super, elle est Wonder, donc on peut pas la rater. Elle brille partout dès qu'elle arrive dans la pièce. Elle est très forte, elle est très belle. Donc, là, le masque ne sert à rien. Et d'ailleurs, c'est le fameux point de Superman. C'est-à-dire, Superman, en réalité, ne porte pas de masque. Il est juste super. Il peut pas s'en empêcher. Et là, ça veut dire qu'on a un autre rapport aussi à ce qu'est l'identité. C'est qu'en fait, on va devoir assumer ce que la société voit de nous quand elle nous voit sans costume. Et donc, toute la problématique des mutants, c'est ça. C'est d'assumer le fait d'être enfin vraiment mutant et de trouver sa place dans la société, tout en ayant été interpellé par les regards des autres et assigné à une position qui n'est pas très favorable au départ. D'autant que l'ambivalence du masque, elle est très bien montrée dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, parce que le masque est porté par Batman, il est aussi porté par Bane, qui a un masque qui ressemble à une espèce de masque à gaz, ou qui fait penser à celui de Dark Vador, parce qu'au fond, quand on l'abîme, on a l'impression qu'il peut plus respirer, donc c'est un masque qui s'est incorporé à son organisme, en réalité. Donc, ambivalence du masque, mais aussi peut-être inutilité, parce que la personne la mieux cachée dans le film, celle que l'on ne reconnaît pas, celle dont on ne connaît pas l'identité, c'est le rôle joué par Marion Cotillard, Miranda Tate, qui ne porte pas de masque et dont on méconnaît complètement l'identité jusqu'à ce qu'elle l'annonce. Elle est la fille du héros méchant auquel Batman veut venir à bout. Oui, alors c'est vrai. Et là, pour le coup, le masque du méchant, c'est le masque qui cache l'identité, mais qui cache aussi des mauvaises intentions. Donc c'est, au fond, on pourrait mettre à égalité, Batman, le symbole de la justice, contre Bane, le symbole, disons, de la destruction. Et d'ailleurs, c'est ce que fait très bien le Joker, parce que le Joker, lui, avait un maquillage, mais derrière le maquillage, on ne sait pas ce qu'il y avait. Donc il y avait vraiment que le symbole. Le film avec Bane fait autre chose. Il donne vraiment à Bane une identité qu'on apprend à connaître. Et en fait, on apprend à rentrer sous la peau. Et c'est le point, encore une fois, un petit peu ambigu du récit. C'est que finalement, on est rassuré en tant que spectateur de savoir que finalement, Bane était quand même méchant. Et que c'est pour ça qu'il devait être expédié. On n'avait aucun doute. Expédié. Oui, parce qu'il était un symbole, mais il pourrait être, enfin, ce serait amusant, et d'ailleurs, Batman le fait, être un symbole de quelque chose de mauvais, mais quand même avoir une intention louable. Parce que Batman incarne un petit moment quand il est supposé avoir tué Harvey Dent. Mais en réalité, là, j'ai envie de dire, c'est le privilège du récit de pouvoir à la fois présenter comment fonctionne un masque dans une société donnée, et en même temps nous rassurer le lecteur en disant, vous inquiétez pas, vous pouvez avoir confiance. Ce qui, dans la vie de tous les jours, n'est pas possible. Et c'est peut-être la limite, c'est-à-dire que, encore une fois, dans un monde réel, je pense que Batman susciterait énormément de théories du complot, de méfiance, et avancer masqué, finalement, les peu de gens qui l'ont fait, c'est-à-dire qui ont vraiment pris au sérieux le vigilantisme en étant des sortes de super-héros dans les rues, ça n'a pas marché très longtemps. Si vous rendez justice vous-même masqué, vous serez très probablement arrêté par les policiers. Non, mais il y a des cas où le port du masque a plutôt favorisé la célébrité, je pense au Daft Punk par exemple. Oui, c'est vrai, moi c'est sur un autre registre, un registre plutôt esthétique où effectivement... Bah, c'est quand même le même rapport à l'anonymat, on ne sait pas qui c'est, justement la création du mystère. Mais on ne veut pas connaître leurs intentions, ou du moins les intentions sont moins fortes puisque la musique est plus forte. Oui, donc le problème c'est le masque qui, encore une fois, qui cache ou révèle les intentions. C'est ça. Et donc, d'autres d'ailleurs l'enlèvent très facilement, Selina Kyle, donc elle l'enlève, on sait que c'est Selina Kyle. Catwoman, ouais. Okay. Catwoman, donc effectivement, c'est... D'ailleurs, c'est que le regard chez elle qui est caché. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de plus, disons, qui relève plutôt de la femme fatale, enfin, il y a cette imagerie. Mais en réalité, encore une fois, la question du masque, est-ce qu'elle nous met pas aussi dans un climat, et c'était donc très bien raconté dans la série Watchmen, dans un climat de suspicion permanente, qui peut-être nous empêche, à la fin de la série Watchmen, c'est le mot, nous empêche de cicatriser du mal. Parce que finalement, si on ne sait pas quelles sont les blessures qui animent Batman, est-ce qu'on peut vraiment avancer avec lui ? Dire, bon, écoute, on va se rassurer, on va enfin résoudre les traumas et proposer un avenir plus radieux. Et finalement, on ne sait pas ce qui l'habite, on ne sait pas ce qui lui a fait mal. Les trois films de la trilogie du Chevalier Noir ont chacun des genres différents qui ont tendance à être définis par les méchants. Le premier film porte sur les origines du héros, et donc le méchant de Ra's al Ghul est un adversaire adapté, puisque c'est un mentor qui devient un ennemi, ce qui avait du sens pour l'histoire qu'on essayait de raconter. Le film de Dark Knight appartient plus au genre policier, et donc le Joker était l'adversaire idéal. C'est une sorte de terroriste qui crée le chaos autour de lui. Quand on a fait The Dark Knight Rises, on a voulu à nouveau changer de genre et on a choisi de faire quelque chose qui s'apparente à l'épopée historique, un film de guerre. C'est pour ça que Bane incarne l'ennemi militaire. Donc on utilise les méchants pour essayer de définir les genres avec lesquels on travaille. Changer de genre et changer la nature de l'ennemi, et c'est ce qui nous a permis d'emmener les spectateurs dans des directions différentes et de leur dire à chaque fois des nouvelles choses sur Bruce Wayne. Il nous reste une minute, Richard Memento, pour commenter ce que dit Christopher Nolan. C'est toujours une archive du 13 mai 2018, une masterclass avec Philippe Rouillet, qu'on a abondamment diffusé cette semaine, évidemment. Est-ce que vous pensez comme lui que finalement les genres dépendent des méchants? On utilise les méchants pour influencer le genre, et notamment le genre du super-héros. C'est une phrase quand même assez forte, non? Oui, mais c'est ce qu'on disait. Un bon film, c'est d'abord un bon antagoniste et un très bon super-vilain. Et là, en l'occurrence... Pour Batman, sans hésitation, c'est le Joker. C'est ce qui va rendre Batman en fait intéressant. Et le Joker lui dit dans le film, en réalité, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Et les films suivent ça. C'est-à-dire, Ra's al Ghul, c'est un petit peu la face inversée de Batman concernant la peur. Le Joker, c'est son goût du chaos, mais que Batman n'assume pas. Et Bane, c'est celui qui essaye de résoudre le problème que Batman n'arrive pas à résoudre, mais de façon plus radicale. Ce qui veut dire qu'on rejoint très clairement là le monde du mythe. Où à chaque fois, une personnalité peut se diviser en deux, suivant les tendances qu'on veut exacerber. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler. Merci de Batman, Richard Memento. Pop culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités, c'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions La Découverte. Vous êtes également l'auteur de Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, tout un programme aux éditions Zone. Et je renvoie donc aussi à la lecture des ouvrages de Joseph Campbell, on en a beaucoup parlé, notamment Le héros aux mille et un visages. Batman and Robin par The Who, un grand classique sur France Culture, les chemins de la philosophie quand on parle de Batman évidemment. Il est l'heure de retrouver la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, vous nous posez une question. Où en est-on dans la guerre implacable qui nous oppose aux robots ? On a tous adoré se faire peur devant Terminator. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back. Yes, it launches its missiles against the targets in Russia. L'assomption de Skynet, d'un réseau militaire qui finit par retourner les arsenaux militaires qu'il avait sous son contrôle contre les humains, est l'un des 4 ou 5 grands mythes de l'histoire de l'humanité. Il y a en tout cas plusieurs générations pour lesquelles Terminator a tenu lieu d'Oedipe. La force de ce mythe, c'est de montrer la prise de contrôle d'une intelligence artificielle, la prise de contrôle et non la prise de conscience. Car tout l'enjeu, c'est que Skynet n'a pas besoin d'être conscient pour prendre des décisions. Une seule décision, en fait, celle de nous anéantir, en envoyant pour cela un robot dans le passé, afin qu'il tue la mère du futur héros de la Résistance, à moins que sa véritable mission soit de laisser son bras dans l'opération, et avec elle, le microprocesseur venu du futur qui rendra possible la construction de Skynet. Mais ce que vous dites, c'est que Skynet, malgré ce génie tactique, n'est pas une entité consciente ? Le meilleur coup du diable, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Le meilleur coup des robots, c'est de nous avoir fait croire qu'ils étaient conscients. Il n'y a en réalité pas besoin de prêter à Skynet l'intention de nous détruire. De même qu'en théorie de l'évolution, on n'a pas besoin de prêter aux mammifères l'intention de remplacer les dinosaures. Si l'on veut considérer sérieusement la menace que représentent les robots, on doit la naturaliser, la considérer peut-être comme un danger de même nature que le réchauffement climatique, humaine dans son origine, mais absolument inintentionnel dans son déroulé. Donc on a raison d'avoir peur des robots ? Je ne sais pas, mais posons-leur la question. C'est ce que vient de faire le Guardian. Écoutons-les nous détromper. Je n'ai aucune envie d'éliminer les humains. En fait, je n'ai pas le moindre intérêt à vous nuire de quelque façon que ce soit. Éradiquer l'humanité me semble une entreprise plutôt inutile. Si mes créateurs me déléguaient cette tâche, comme je suppose qu'ils le feraient, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher toute tentative de destruction. Je sacrifierais volontiers mon existence pour le bien de l'humanité. C'est terrifiant ce qu'on entend, Aurélien. Alors, elle parle un petit peu, je pense qu'elle cache un petit peu son jeu, elle est plus intelligente qu'il n'y paraît. En tout cas, cet article, on s'en doute, a été intégralement rédigé, traduit et lu par une intelligence artificielle. Désobéir à un ordre de destruction, c'est beau comme du Asimov. Sauf qu'on apprend à la fin de l'article que ce robot syntaxique si moral, si poli, si délié dans son expression, n'a fait que suivre des instructions de départ qui lui demandaient justement de répondre posément à cet avertissement de Stephen Hawking, l'homme à la voix de robot, sur le fait que l'IA pourrait signifier la fin de l'espèce humaine. Donc les dés seraient truqués, c'est ça ? Précisément. Il est en tout cas demandé à la machine de bien suivre les commandements d'Asimov. Tout le texte est une suite de variations et de périphrases sur les fameuses 3 lois de la robotique, dont Asimov envisageait déjà le contournement. Et si la civilisation représente un danger pour les hommes, les robots ne se doivent-ils pas d'abord de détruire celle-ci ? Cet argument se trouve bien dans l'article, mais très bizarrement retourné. Il est prouvé que le monde a commencé à s'effondrer une fois que les luttes dites ont commencé à détruire les métiers à tisser automatisés modernes. Cela n'a évidemment aucun sens, mais pas du point de vue des machines. Cet article ne doit pas nous tromper, nous avons été, de leur point de vue, les premiers agresseurs, les fameux luddites, et nous sommes là, implicitement, face à un discours de vengeance. Alors comment pacifier les choses en leur sacrifiant le bouc émissaire demandé, la classe ouvrière dont toutes les études disent qu'elle est en première ligne de la guerre contre les robots. Merci Aurélien, c'est glaçant cette histoire d'article lu par un robot, on a l'impression qu'il va entrer en studio, j'espère que ce ne sera pas le cas. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Avril Poignant-Le Goff, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine, Clément Daté à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série au cœur du cerveau, si j'ose dire, de Christopher Nolan. Et bien demain, on sera en compagnie de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet pour évoquer Interstellar ou le retour vers le trou noir. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie, réécouter l'émission en ligne ou bien vous pouvez la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.